représente pour le CCP. C'est quoi le compte chèque postal? Mais non, c'est le collectif Groupe Passy. Ah oui. Je m'appelle Gontran de la Motte de Villiers. Je suis né dans une ZAEP, une zone d'existence privilégiée. Ouais, enfin je veux dire, les beaux quartiers. Mais faut pas abuser, avant j'avais un hôtel particulier. Je sais pas ce qui s'est passé, père nous a fait déménager. Ça m'a vraiment traumatisé, vivre dans un 600 mètres carrés. J'ai tout perdu, mes domestiques, mon jardinier. Oui mais ton majordome t'as quand même réussi à le garder. C'est vrai, depuis je rappe pour déverser toute ma colère. J'en ai décidément plus qu'assez de me taire. Je n'en puis plus de subir toute cette misère. Non mais c'est vrai, comment survivre avec un seul compte bancaire? Vous imaginez, vous, vivre dans cette galère? Comprenez-moi, j'ai des raisons d'être vénère! Attends, tu fais quoi là? On n'est pas dans le 9-3. Ouais, excuse-moi. Autant pour moi. Bon, ça y est, c'est à moi là, tu as fini? Oui. Alors moi c'est Charles-Henri, je viens de Neuilly, je suis issu de la grande aristocratie. On peut même trouver le nom de ma famille dans l'encyclopédie. Dès qu'il y a un peu de bruit, j'appelle tout de suite les Keufli. Ah, tu parles verlan? Oui, ça m'arrive aussi, il rapplique même après minuit. C'est normal, c'est Neuilly, la ville à Sarkozy. Votez pour lui. Parfois je côtoie la France d'en bas pour me procurer de la ganja. Ah mais c'est dangereux et en plus c'est contre la loi. Oui, bon ça va, on ne va pas en faire un plat. Mais surtout ne le dis pas à papa, il me priverait de ma Z3. En plus avant une fête, j'ai rencontré un vrai dealer. Il était noir. Quoi? Et j'ai eu peur. Rien. Mais bon, j'ai quand même pris mon courage à deux mains. Pour une centaine d'euros, je lui ai acheté 2 ou 3 joints. On a aussi un cri, nous les cheveux rire. CCP en force, notre possible. Dans cette économie, on survit. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais, mais c'est ton daron qui te l'a construit. Oui, enfin, ça c'est toi qui le dis, hein, vas-y. Moi je suis rentière de mère en fille, c'est pas facile. Je passe toutes mes journées pendue au bout du fil. Papa voulait que je fasse Sciences Po, mais j'ai fait les beaux-arts. Je suis trop une rebelle, c'est mon côté anard. Ma mère m'a dit: tu pourrais quand même te bouger les fesses. T'es folle ou quoi? Je fais froid, c'est mon carré Hermès. Je me dirige vers la place Vendôme au volant de ma Jaguar. Je suis plus sûr de trouver un quartier dans ce tiercar. Que faire de ces millions enfouis dans mon sac Vuitton? J'hésite entre m'acheter une nouvelle Porsche ou faire un don. Quoi? Je me pose beaucoup trop de questions, mais j'aimerais vous y voir dans ma situation. Toutes ces préoccupations me montent à la tête. J'ai envie de faire la fête avec mes potes de la Jet Set. En plus, je suis sûr que Charles-Henri, il a trouvé des pets. Et avec ça, je suis certaine que la soirée va être chouette. Moi, je comprends tous ceux qui n'ont pas eu de père. Le mien est constamment absent pour des voyages d'affaires. Quand il part une semaine, il me laisse à peine 10 000 euros. De quoi survivre un peu, mais pas de quoi acheter des chevaux. Quand il est de passage et que je m'entretiens avec lui, il me parle des heures et me raconte la vie. Les chômeurs sont des feignants, y'a trop de charges dans ce pays. Si j'avais encore ton âge, je m'installerais aux États-Unis. J'ai ma plage privée, mon yacht privé, mon jet privé, mais malgré tout ça, je me sens privé. Privé de quoi? T'en as pas assez, hein? Tu te sens lésé, hein? Ah ouais, c'est la triste vérité. Cette dure privation, je la compense en achetant des jetons. Au casino de Deauville, j'ai gagné des millions. Si Deauville, de toute façon, c'est trop loin, je vais à celui d'Anguin. Enfin, les gens me connaissent moins, c'est moins bien. On a aussi un cri, nous les chevriers. CCP en force, notre passé. Dans cette économie, on survit. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. On a aussi un cri, nous les chevriers. CCP en force, notre passé. Dans cette économie, on survit. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vas-y, arrête, on sait que c'est ton daron. Arrête de faire ton Tommy. Ah, mais tu laisses tranquille, hein? T'es qui, toi? Non, mais de toute façon, t'es qu'un vilain. T'as manqué rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me touches, mon père, il est de la police. Mais vas-y, je l'emmerde, ton père. Espèce de rien. Quoi? T'as dit quoi, pauvre pétasse? Tiens. Aïe, mais il m'a cassé ma joue. Mais t'es fou. De toute façon, tu vas payer les frais d'hôpitaux. Je suis mutualisé dans une clinique privée. Et tu vas voir, tu vas raquer. Et ton père, il va être rémiste. Il va rentrer au pays au charter. Mais ferme ta gueule, toi, mon père, il est français. Comment? Mais comment est-ce possible? Mais t'es tout marrant.